338, self-testing exercise. Questions. You will hear a series of questions. Choose the best answer. Oui, nous, le français, parce que ça va être utile. And check the appropriate box. 1. Pourquoi est-ce que nous allons répéter? 2. Qu'est-ce que nous allons apprendre? 3. Qui est-ce qui va répéter? 4. Est-ce que nous allons apprendre le français? 5. Qui est-ce qui va apprendre le français? 6. Pourquoi est-ce que nous allons apprendre le français? 7. Est-ce que nous allons répéter? 8. Ça va être utile?